Chapitre 14. Si Martial eut rapporté fidèlement à Mademoiselle Blanche tout ce qu'il entendit dans le cabinet du marquis de Courtomieu, il l'eût probablement un peu étonné. Il l'eût à coup sûr stupéfié s'il lui eût confessé en toute sincérité ses impressions et ses réflexions. C'est qu'il n'avait pas la foi, ce malheureux à qui on devait, plus tard, reprocher les excès du plus sombre fanatisme. Sa vie se passa à combattre pour des préjugés que réprouvait sa raison. Tombant, de par la volonté de Mademoiselle Blanche, au milieu d'une discussion enragée, ses impressions furent celles d'un homme à jeun arrivant au dessert d'un déjeuner d'ivrogne. L'échauffement des autres redoubla son sang-froid. Il fut révolté, sans être surpris outre mesure, des prétentions grotesques et des âpres convoitises des nobles hôtes de Monsieur de Courtomieu. Grade, cordon, fortune, honneur, pouvoir, il voulait tout. Il n'en était pas un dont le pur dévouement exigeât impérieusement les récompenses les plus inouïes. C'est à peine si les modestes déclaraient se contenter d'une recette générale, d'une préfecture ou des épaulettes de lieutenant général. De là des récriminations bouffonnes, des mots piquants, des reproches amers. Tous les visages étaient courroucés, on se mesurait de l'œil, les voix s'enrouaient, et le marquis, qu'on avait nommé président, s'épuisait à répéter « Du calme, messieurs, du calme, un peu de modération, de grâce !»« Tous ces gens-ci sont fous !» pensait Martial, comprimant à grand-peine une violente envie de rire. « Fous alliés !» Mais il n'eut pas à rendre compte de cette séance qu'interrompit par bonheur l'annonce du dîner. Mademoiselle Blanche, quand le marquis de Sermeuse la rejoignit, ne songeait plus à interroger, et dans le fait que lui importaient les espoirs ou les déceptions de ses personnages. Elle les tenait en médiocre estime. Par cette raison que pas un n'était d'aussi bonne noblesse que Monsieur de Courtomieu, et qu'à eux tous, ils étaient à peine aussi riches. Un souci plus grand, immense, le souci de son avenir et de son bonheur, absorbait despotiquement toutes ses facultés. Pendant les quelques moments où elle était restée seule, après le départ de Marianne, Mademoiselle Blanche avait réfléchi. L'esprit et la personne de Martial lui plaisaient. Elle lui devait les premières émotions fortes de sa vie. Il réunissait toutes les conditions que devait souhaiter une ambitieuse. Elle décida qu'il serait son mari. Elle eut eu quelques jours d'irrésolution, vraisemblablement, sans le mouvement de jalousie qui l'avait agitée. Mais, du moment où elle put croire, soupçonner, à tort ou à raison, qu'une autre femme lui disputerait Martial, elle le voulut. À cet instant, elle ne devait plus, elle ne pouvait plus, agir que sous l'inspiration d'une de ces amours étranges, où le cœur n'est pour rien, qui se fixe dans la tête et qui, tout en laissant une sorte de sang-froid, peuvent conduire aux pires folies. Que la femme, dont l'ombre d'une réalité n'a jamais fait battre le pouls plus vite, lui jette la première pierre. Qu'elle fût vaincue dans cette lutte qu'elle allait entreprendre, si toutefois il y avait lutte, ce dont elle n'était pas sûre, c'est une idée qui ne pouvait venir que de Mademoiselle Blanche de Courtomieu. On lui avait tant dit, tant répété, qu'il s'estimerait heureux entre tous l'homme qu'elle daignerait choisir. Elle avait vu tant de prétendants assiéger son père. D'ailleurs, pensait-elle en se souriant orgueilleusement dans les glaces du salon, ne suis-je pas aussi jolie que Marianne? Plus jolie, murmurait la voix de la vanité. Et tu as, toi, ce que n'a pas cette rivale, la naissance, l'esprit, le génie de la coquetterie. Elle se sentait, en effet, assez d'habileté et de patience pour prendre et soutenir le caractère qui lui semblait le plus propre à éblouir, à fasciner Martial. Quant à garder ce caractère, s'il lui déplaisait, après le mariage, c'était une autre affaire. Le résultat de ces honnêtes dispositions fut que, pendant le dîner, Mademoiselle Blanche déploya pour le jeune marquis de Sermeuse tout son génie. Elle cherchait si évidemment à lui plaire que plusieurs convives en furent frappés. D'une autre, cela eût choqué comme une haute inconvenance. Mais Blanche de Courtomieu pouvait tout se permettre, elle le savait bien. N'était-elle pas la plus riche héritière que l'on sût à Guilieu à la ronde? Il n'est pas de médisance capable d'entamer le prestige d'une dot d'un million comptant. Savez-vous, chevalier, disait-elle à son voisin, un vieux vicomte, que ces deux beaux enfants réuniraient à eux deux quelque chose comme 700 à 800 000 livres de rente. Martial, lui, s'abandonnait sans défiance au charme de cette situation. Comment soupçonner de calcul cette jeune femme aux yeux si purs, dont les petits rires avaient la sonorité cristalline du rire de l'enfant? Involontairement, il la comparait à la sérieuse Marianne, et son imagination, flottant de l'une à l'autre, s'enflammait de l'étrangeté du contraste. Mademoiselle Blanche l'avait fait placer près d'elle à table. Ils causaient gaiement, se moquant un peu de leurs voisins, pendant que la discussion du tantôt se rallumait entre les autres convives et s'enflammait à mesure que se succédaient les services. Mais au dessert, ils furent interrompus. Les domestiques servaient du vin de champagne et on buvait aux alliés, dont les triomphantes baïonnettes avaient ramené le roi. On buvait aux Anglais, aux Prussiens, aux Russes, dont les chevaux mangeaient nos moissons sur pied. Le nom de d'Escorval, éclatant tout à coup au milieu du choc des verres, devait arracher brusquement Martial à son enchantement. Un vieux gentilhomme, dont le chef était couvert d'une petite calotte de soie noire, venait de se lever, et il proposait qu'on fît les plus actives démarches pour obtenir l'exil du baron d'Escorval. « La présence d'un tel homme déshonore notre contrée, disait-il. C'est un jacobin frénétique, et même il a été jugé si dangereux que M. Fouché l'a couché sur ses listes, et qu'il est ici sous la surveillance de la haute police. » Ce discoureur avait dû au baron d'Escorval de ne pas tomber dans la plus abjecte misère. Aussi roulait-il des yeux féroces et semblait-il ivre de rancune. On l'écoutait, mais on se taisait. L'hésitation se lisait dans tous les yeux. Martial, lui, était devenu si pâle que Mademoiselle Blanche remarqua sa pâleur et crut qu'il allait se trouver mal. Pourquoi cette émotion si violente? Se demanda-t-elle, soupçonneuse. C'est qu'un combat terrible se livrait dans l'âme du jeune marquis de Sermeuse, entre son honneur et sa passion. Ne souhaitait-il pas la veille l'éloignement de Maurice? Eh bien, une occasion se présentait, telle qu'il était impossible d'en imaginer une meilleure. Que la démarche fût proposée eut lieu, et certainement le baron et sa famille allaient être forcés de s'expatrier, peut-être pour toujours. On hésitait, Martial le voyait, et il sentait qu'un mot de lui, un seul pour ou contre, entraînerait tous les assistants. Il eut 10 secondes d'angoisse affreuse. Mais l'honneur l'emporta. Il se leva et déclara que la mesure était mauvaise, impolitique. « Monsieur d'Escorval, dit-il, est un de ces hommes qui répandent autour d'eux comme un parfum d'honnêteté et de justice. Ayons le bon sens de respecter la considération qui l'environne. » Ainsi qu'il l'avait prévu, Martial décida les hôtes de monsieur de Courtaumier. L'air froid et hautain qu'il savait si bien prendre, sa parole brève et tranchante, produisirent un grand effet. « Évidemment, ce serait une faute !» fut le cri général. Martial s'était rassis, Mademoiselle Blanche se pencha vers lui. « C'est bien ce que vous avez fait là, monsieur le marquis, » murmura-t-elle. « Vous savez défendre vos amis ?» Pris à l'improviste, la voix de Martial se ressentit de son agitation. « Monsieur d'Escorval n'est pas un de mes amis, dit-il. L'injustice m'a révolté, voilà tout. » Mademoiselle de Courtaumier ne pouvait être dupe de cette explication. Un pressentiment lui disait qu'il y avait là quelque chose. Cependant, elle ajouta, « Votre conduite n'en est que plus belle. » Mais ce n'était pas là l'avis du duc de Sermeuse, et tout en regagnant son château quelques heures plus tard, il reprochait amèrement à son fils son intervention. « Pourquoi diable vous mêlez de cette histoire ? Disait le duc. « Je n'eusse point voulu prendre sur moi l'odieux de cette proposition. Mais puisqu'elle était lancée, j'ai tenu à empêcher une sottise inutile. »« Sottise ? Inutile ? Jarnibieux, marquis, vous avez tôt fait de trancher. Pensez-vous que ce damné baron nous adore ? Que répondriez-vous si on vous disait qu'il trame quelque chose contre nous ? Je hausserais les épaules. » « Oui, da, eh bien, marquis, Faites-moi le plaisir d'interroger Chupin.